Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Philippiens, et nous sommes au chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 19. Notre bon Père du ciel, continue à nous instruire, continue à augmenter notre amour en connaissance et en pleine intelligence, comme on a vu hier. Seigneur notre Dieu, tout ce que je désire, tout ce que mes frères et sœurs désirent, tout ce que les chrétiens désirent, c'est d'être trouvé par toi pur, irréprochable, rempli du fruit de la justice qui est en Jésus-Christ, à ta gloire et à ta louange. Donc, Seigneur, fortifie notre foi. Par les vérités que nous allons voir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On a vu ensemble que Paul rend grâce à Dieu pour avoir sauvé les Philippiens, pour avoir impliqué les Philippiens, pour avoir aidé les Philippiens d'être persévérants. Il rendait grâce pour la grâce qui était en eux. Il rendait grâce pour l'amour de Dieu pour eux. Paul savait, croyait, que l'œuvre de Dieu dans sa vie et dans la vie des Philippiens était l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre des hommes. C'est pour ça qu'il rend gloire à Dieu. On a vu par la suite la prière de Paul. Paul dit, « Je prie afin que votre amour augmente en pleine connaissance et en pleine intelligence, afin que vous soyez purs et irréprochables, rempli du fruit de la justice, afin que vous discerniez les choses, les manières. » Et ce matin, l'apôtre Paul va ouvrir son cœur et dire, « il est vrai que je suis en prison, mais je suis dans la joie. Puis j'aimerais que vous vous réjouissiez avec moi. » Donc, lisons notre texte de ce matin. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans les intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. J'ai appelé ce petit vidéo « Le progrès de l'Évangile ». Paul, il dit « Savez-vous, frères et sœurs, il dit « Ne soyez pas tristes que je sois en prison, car moi je ne suis pas. Soyez pas découragés par mon emprisonnement, car moi je ne le suis pas. » Il dit au contraire, le fait d'avoir été mis en prison a fait avancer ou a poussé ou a aidé au progrès de l'Évangile. Pour Paul, ce qui est important, ce qu'il nous dit dans ces 7 versets-là, c'est ce qui est le plus important, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est le progrès de l'Évangile. Ce qui m'importe à moi, c'est le progrès de l'Évangile. Et vu que l'Évangile avance, progresse, moi je suis dans la joie et je le serai encore plus dans la joie. Ce qui m'arrive, ce n'est pas vraiment autant important que si ce qui m'arrive, ça va aider, ça va faire avancer le royaume de Dieu ou l'Évangile, comme il le dit ici. Et ça a contribué au progrès de l'Évangile. Il dit, en effet, premièrement, comment ça a contribué au progrès de l'Évangile? Il dit, dans tout le prétoire, on pense qu'il est à Rome, dans la maison de César, où il était emprisonné. Il dit, dans tout le prétoire, dans tout, ici, le palais de justice, si je dirais ça dans un terme québécois, tout le monde alentour de moi sait que c'est pour l'Évangile de Jésus-Christ que je suis là. Il dit, partout dans le prétoire et partout ailleurs, les gens savent que je suis en prison à cause de Christ. Et ça, pour Paul, ça contribue au progrès de l'Évangile. Pour lui, le fait d'avoir été mis en prison, on pourrait donner l'exemple avec le geôlier. Il a été mis en prison, mais ça a contribué au progrès. Pourquoi? Le geôlier et toute sa famille s'est converti. Et probablement qu'eux aussi ont conduit du monde au Seigneur par après dans leur vie. Ça a contribué au progrès de l'Évangile juste par le fait, dans le prétoire et partout ailleurs, on sait pourquoi que je suis là. Les gens ont entendu les raisons de mon emprisonnement, donc ils ont entendu parler de Christ et de l'Évangile. Et Paul, il s'en réjouit. Deuxièmement, il dit, ça a servi au progrès de l'Évangile parce que les frères, et je dirais aussi les sœurs, les frères et sœurs dans le Seigneur sont encouragés par mes liens, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, le fait que j'ai été mis en prison et que j'ai accepté cela, qu'il s'est réjoui de cela, les chrétiens sont encouragés par Paul, par l'attitude de Paul qui lui a été donnée par l'Esprit-Saint, qui lui a été fortifié par l'Esprit-Saint. C'est la grâce de Dieu en lui qui fait cela. Les chrétiens sont poussés à parler de l'Évangile plus librement. Et l'apôtre Paul, il dit, je me réjouis de cela. Je suis content de cela. Je suis dans la joie à cause de cela. Parce que ce qui est important pour Paul, c'est que Christ est proclamé, l'Évangile est proclamé, le royaume de Dieu est annoncé. Même si on parlait juste à l'intérieur de la famille des raisons pour lesquelles Paul était en prison, et on partageait avec les enfants, avec l'épouse, avec le mari, pourquoi Paul était en prison? On parlait du Seigneur Jésus-Christ. Ça faisait partie des nouvelles. Ça faisait partie des nouvelles de TVA à 5 heures. Hey, on a arrêté aujourd'hui un homme, il s'appelait Paul, puis il a été mis en prison à cause qu'il annonce l'Évangile de Jésus-Christ, peut-être. Paul dit, je me réjouis qu'on dit, qu'on parle dans le prétoire, ailleurs, dans les églises, dans les maisons, dans les foyers. On parle de moi à cause de l'Évangile. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Oh, il dit, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, parmi ceux qui parlent, il y en a deux groupes. Il y a un groupe qui le fait par amour, pour la gloire de Dieu. Parce qu'ils savent que je suis en prison à cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a un autre groupe. Qu'eux autres le fassent pour me nuire. Ils veulent me susciter des problèmes. Regardons au verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. C'est qui cette gang-là? Qui est-ce qu'il enviait? Il dit par envie. Envie. Est-ce qu'il enviait la situation de Paul en prison? Il aurait voulu d'être là? Je ne crois pas que c'est ça. Je crois qu'il enviait l'autorité de Paul. Il enviait la place de Paul dans l'église de Philippe. C'est ce que je crois personnellement. Ils ont un esprit de dispute dans l'Église. Ce que je vous ai dit dans l'introduction, il y a une dispute dans l'Église. Il y a une chicane dans l'Église. Parmi les anciens, probablement, parmi les diacres, parmi les évêques. Il dit, il y en a qui parlent de Christ par envie. Par un esprit de dispute. Puis il y en a d'autres qui le font avec de bonnes dispositions bienveillantes. Il dit qu'il va se cesser. Ceux-ci agissent par amour pour Dieu, par amour pour Paul, par amour pour l'Église. Sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Mais il dit les autres, ils annoncent Christ aux autres, au verset 17, avec des intentions qui ne sont pas pures. Avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Ils veulent empirer la situation de Paul. Pourquoi? Pour qu'il reste en prison. Pour qu'il soit peut-être mis à mort. Mais regardez l'attitude de Paul au verset 18. Peu importe, je m'en fous. Je m'en fous de leur raison. Ah, ça m'épate, ça me réjouit personnellement. Pourquoi que ça comme ça? Pas parce que Paul aimait être en prison. Si on lui avait donné une clé pour sortir, il aurait sorti tout de suite. Il dit au verset 18, de toute manière, que ce soit pour de bonnes raisons ou que ce soit juste pour l'apparence, Christ est annoncé. L'Évangile est proclamé. On parle du Seigneur. On annonce l'Évangile pour de bonnes et de mauvaises raisons. Pour mon bien ou pour mon malheur. Par amour ou par envie. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que Christ est annoncé. L'Évangile est proclamé. Ça fait ma joie. Ça fait ma joie. Oh, mes frères et sœurs, ça me parle beaucoup, hein? Ça me parle beaucoup, moi, ce matin, ça. Ce qui est important, c'est pas moi. Ce qui est important, c'est pas ce que Dieu me donne ou me donne pas. C'est pas ce que Dieu me protège ou me protège pas. Ce qui est important, c'est pas les choses de ce monde. Il dit, ce qui est important, c'est que l'Évangile de Dieu soit proclamé. Et elle l'est. Elle l'est dans le prétoire, partout ailleurs, par les frères et sœurs, dans l'Église, partout. On parle de ça. On parle de Christ. Il dit, à cause de cela, à cause de toute cette agitation-là, à cause de ma mise en prison et de la proclamation de l'Évangile, il dit au verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là? Est-ce qu'il parle que ça va m'aider à être sauvé? Ben non, on sait que Paul croyait, disait qu'il était un enfant de Dieu. Il savait qu'il était un des saints, hein? Comme les chrétiens étaient des saints d'Église d'Éphèse, ou d'Église de Philippe, excusez. Il parle-tu ici, ça va servir à ma libération? Je ne crois pas que c'est ça qu'il parle ici. Mais il dit, à cause de tout cela, vous, moi, je prie pour vous et vous, vous priez pour moi. Il dit, ça va m'aider à grandir dans ma foi. Ça va m'aider à aller plus loin dans la foi. Ça va m'aider à augmenter mon amour en connaissance et en vérité et en pleine intelligence. Ce qui est important, c'est que moi je progresse et que vous, vous progressez. Le salut ici, il ne parle pas juste du salut de sa justification, mais il parle aussi de sa sanctification et de sa glorification. Il parle de sa croissance. Parce qu'il dit, vous priez pour moi, et moi je prie pour vous. Et l'Esprit de Christ, hein, l'Esprit de Jésus-Christ, à la fin du verset 19, l'Esprit de Jésus-Christ va m'aider Et ça va nous emmener tous ensemble plus loin. Ça va aider au progrès de l'Évangile. Si ça l'aide à mon salut, ça va aider à votre salut. Et si tous ensemble, on progresse, on avance, la gloire de Dieu éclate. La louange de Dieu est sur les lèvres de l'Église. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on est triste ou abattu, quand on est découragé, c'est parce qu'on ne regarde pas les choses avec l'angle de Dieu. Paul ici, à cause que son désir dans la vie, c'est la gloire de Dieu, c'est la louange de Dieu, c'est le service de Dieu, c'est le progrès de l'Évangile. La situation ne le décourage pas. Les prisons ne le découragent pas. Les persécutions ne le découragent pas. Et moi, je rajouterais, j'extrapole, je vois un petit peu plus loin que le texte ici, tous nos problèmes de la vie prennent une dimension plus réelle, plus vraie. Parce que tout ce qui va m'arriver dans ma vie, autant dans ma vie de famille, de couple, d'église, au travail, Dieu est en train de se servir de tout cela pour sa gloire. Il va s'en servir pour le progrès de l'Évangile. On perd une job, on va en trouver un autre, peut-être quelqu'un va venir au Seigneur. Je déménage parce que ça va coûter moins cher. Parce qu'il y a des gens qui vont nous au Seigneur. Je déménage parce que je vais être plus proche de ma famille. Peut-être que ça va produire un fruit pour l'Évangile. Je perds un enfant. Dieu m'en donne un. Dieu a juste un but, frère et sœur. Dieu a juste un but. Il n'y en aura jamais d'autre, il n'y en a jamais eu d'autre. C'est sa gloire, c'est l'établissement de son royaume, c'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Christ. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Maintenant et pour l'éternité. Et Paul se réjouit de cela. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Merci de nous donner une raison plus grande que nous. Une raison d'être plus importante que nous, qui est toi, qui est ton royaume, ton évangile, ton Christ, ta gloire, ta louange, ton adoration. Oh Seigneur, donne-nous de regarder le monde avec une perspective divine. Donne-nous de regarder nos vies avec une perspective divine. Nos vies qui servent à la louange et à la gloire de Dieu. C'est une promesse que Dieu a faite à tous ses enfants.